Vous allez voir comme les gens sont méchants. Donc, l'autre jour, j'étais en train de préparer ma pâtisserie, parce que je vis avec ma sœur. Elle vient d'avoir ses 49 ans. Moi, il y a 3 ans, j'ai eu mes 26 ans. Et nous vivons ensemble. Alors, je vais préparer donc ma pâtisserie. Et j'adore bien faire la pâtisserie. Et tout le monde me dit, mais Fernand, comment réussissez-vous votre pâte feuilletée? Je m'en vais donner le truc. Faut faire la pâte auvergnate. C'est simple, faut pas travailler votre pâte. Faut pas la travailler. Faut la plier. C'est une nuance, n'est-ce pas? Vous avez votre pâte que vous avez faite, n'est-ce pas? Un coup de rouleau, du beurre dessus, je plie. Un autre coup de rouleau, du beurre dessus, je plie. Faut pas la travailler. Si vous la travaillez, vous aurez des grumelons. Faut pas. Faut la plier. Moi, je plie ma pâte à l'auvergnate. Un peu de beurre dessus, je plie. Et je te plie, et je te replie, et je te plie. Bon. Alors, quand c'est bien plié, vous laissez reposer dehors toute la nuit. Le lendemain, vous mettez au four pendant une bonne demi-heure une cuisson douce, mais tout en étant assez chaude, n'est-ce pas? Faut chercher la chaleur pâtissière. Moi, je l'ai trouvée. Alors, bon, vous sortez du four au bout d'une demi-heure, et là, vous avez un cataplasme. Si vous avez travaillé votre pâte, mais si vous l'avez pliée, vous aurez la jolie pâtisserie qui fera la joie de vos amis. Alors, venez un samedi après-midi à la maison, je vous ferai goûter, vous verrez. Mais toujours, je mets pas de Mirabelle parce que ça indispose ma sœur. Elle ne peut pas supporter la Mirabelle, ma sœur. Vous en feriez pas manger, c'est vrai, à cause des noyaux.